L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Mauvaise nouvelle pour les chasseurs de matière noire. Une nouvelle observation de l'émission de rayons X en provenance de la galaxie naine du Dragon ne montre aucun signe de la fameuse raie à 3,55 keV qui avait été entrevue dans de nombreuses galaxies et qui pouvait être attribuée potentiellement à une trace indirecte de matière noire. Des astrophysiciens américains de l'Université de Californie ont observé la galaxie naine du Dragon, qui est un objet parmi les plus riches en matière noire, d'après les déductions qui peuvent être faites de ses caractéristiques gravitationnelles. Si l'émission de rayons X mystérieuse observée antérieurement en provenance du centre de certaines galaxies et amas de galaxies était bien issue de la désintégration de ces particules, une telle émission X aurait dû être observée dans la galaxie du Dragon, avec une si forte densité de particules de matière noire. Mais Tesla, Geltema et Stefano Profumo, qui ont soumis leurs travaux pour publication dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ne trouvent rien de tel. Ils ont observé la galaxie naine du Dragon, située à 270 000 années-lumière, dans une plage en énergie située autour de 3,5 keV avec le télescope XMM Newton, durant une très longue pause de 1,6 million de secondes, soit 445 heures, ce qui leur permet de rejeter l'hypothèse de la présence d'une raie dans cette zone du spectre, et donc la présence d'une désintégration de particules, avec un niveau de confiance de 99%. Ils en concluent que la raie à 3,55 keV qui a été vue à de multiples reprises depuis février 2014 dans plusieurs galaxies et amas de galaxies, jusqu'à Andromède et notre propre galaxie, ne serait rien d'autre qu'une raie d'émission d'un élément chimique classique ionisé comme le potassium. Cette raie mystérieuse était pourtant excitante, car elle pouvait être expliquée par la désintégration d'un neutrino stérile ayant une masse de 7,1 keV, qui aurait des caractéristiques idoines pour le rôle de la matière noire. Mais dès les premières observations, les études avaient semblé sous-estimer la présence d'atomes de potassium dans les nuages de gaz galactiques, qui, lorsqu'ils sont dans leur état excité, possèdent justement des raies d'émission aux environs de 3,5 keV. Alexei Boyarski de l'université de Leiden, aux Pays-Bas, qui avait le premier annoncé la présence de cette raie mystérieuse à 3,55 keV en provenance du centre de certaines galaxies, convient qu'il n'y a pas de raie X intense provenant de la galaxie du Dragon. Mais il refuse de rendre les armes. Selon lui, ces résultats ne rejettent pas complètement la possibilité d'une désintégration de particules noires en rayons X, et il veut acquérir à son tour de nouvelles données dans les semaines à venir. Ezra Bulbul, du Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, qui a également mis en évidence la raie à 3,55 keV dans de nombreux cas très différents, et qui collabore désormais avec l'équipe de Boyarski, veut elle aussi continuer à y croire, même si elle reconnaît que l'explication par un neutrino stérile à 7,1 keV a peut-être du plomb dans l'aile. Selon elle, d'autres types de particules de matière noire pourraient produire des rayons X en plus faible proportion et rester compatibles avec les flux observés sur la galaxie du Dragon. Ezra Bulbul, Alexei Boyarski, comme Tesla, Geltema et Stefano Profumo seront certainement parmi les premiers utilisateurs du télescope tant attendu AstroH. Ce dernier devrait être l'outil qui arbitrera définitivement la question grâce à ses observations en rayons X à haute résolution en énergie, permettant de déterminer sans coup férir la nature des raies observées, quand elles sont présentes. Il n'y a plus que quelques mois à patienter. Lancement prévu le 12 février 2016. L'article de Tesla, Geltema et Stefano Profumo a été soumis à Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Il est accessible en préprint sur le serveur Archive, donc je mets le lien en bas de ce billet. L'article s'intitule Deep XMM Observations of Draco Rule Out A Dark Matter Decay Origin for the 3.5 kV Line, qu'on peut traduire par les observations profondes de XMM de la galaxie du Dragon, élimine une origine de décroissance de matière noire pour la raie à 3,5 keV. À très bientôt sur Ça se passe là-haut, restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr, sur podcloud.fr et sur iTunes, où vous vous abonnez évidemment tous les jours, enfin vous abonnez une fois, et puis vous écoutez tous les jours. Il y a déjà plus de 300 épisodes de Ça se passe là-haut, si c'est pas riche hein, quand même ça. Allez, à très bientôt, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Salut !